La réédition aux Équateurs de l'encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure. Oui, vous voyez, c'est un... Ouh, un gros livre rouge. Ce n'est que le début de la lettre A à la lettre C. C'est une heureuse initiative des Équateurs que de rééditer cette encyclopédie qui est apparue dans les années 30. Sébastien Faure, c'est quelqu'un qui est né dans les années 1850, qui est mort en 1942. Que moi j'avais découvert dans la bibliothèque de mon grand-père avec une petite brochure qui était les 12 preuves de l'inexistence de Dieu, qui est un texte extraordinaire. Sébastien Faure, c'est un des grands fondateurs de l'anarchisme en France, c'est le fondateur du Libertaire avec Louise Michel, ça a été un Dreyfusard de la première heure, violemment contre un certain nombre de ses anciens camarades qui de façon assez idiote ont pris parti contre Dreyfus dès le départ. C'est quelqu'un qui est un érudit incroyable, qui commence d'abord comme socialiste, notamment auprès de Jules Guesde, avant de se fâcher avec lui et d'inventer véritablement, de participer à l'invention du mouvement libertaire. Alors, ce qui est assez incroyable dans cette encyclopédie anarchiste, c'est que bon, on peut picorer, les articles sont assez longs, et c'est intéressant de la regarder de notre époque, de notre point de vue. Je constate qu'il y a une préface qui justifie la republication de ce texte au début, une introduction de Olivier Frébourg qui s'occupe des éditions des Équateurs et qui dit au fond l'anarchie n'est-elle pas aujourd'hui dépassée, ne s'est-elle pas déplacée sur Internet, écrit-il, les Anonymous n'en sont-ils pas la jeune garde? Alors précisément pas, et ce qui est formidable, c'est qu'après de longs articles sur anarchie, anarchisme, anarchiste, notamment de Faure lui-même, il y a un article sur l'anonymat. Et cet article sur l'anonymat est proprement extraordinaire. La chose qu'il désigne est proprement son nom. L'anonymat est par excellence l'arme des lâches, des résignés, des timorés, des faibles, des impuissants, méchants ou bêtes. Des gens seront toute leur vie anonymes dans leurs actes, dans leurs sentiments, dans leurs pensées. Donc on voit dans quel respect les anarchistes tenaient... Les anonymes. La lettre anonyme fleurit beaucoup en temps de guerre. Elle est d'un usage courant chez les embuscomanes, espionomanes, jusqu'aux boutistes et surstratèges, professeurs de haine et de bêtises, qui ne savent à quoi employer leur loisir. L'administration ajoute foi aux rancunes d'anciens larbins congédiés et aux petites vengeances de littérateurs sans talent. Elle se fait complice de commérages abjects. L'homme intelligent jette au panier la lettre anonyme et fait justice de racontards plus ou moins intéressés. Je trouve assez formidable de relire cet article sur anonyme, et ce que signifiait l'anonymat pour des gens aussi engagés qui risquaient pour leur vie. Rappelons que Sébastien Faure fut l'un des accusés au procès des 30, hein, qui avait fait suite à l'assassinat du président de la République par un anarchiste italien. Voilà, donc je pense que des choses se sont, déplacées par rapport à cette question de l'anonymat, par rapport à la question de la responsabilité personnelle dans l'engagement, que ce soit par les actes ou par les textes. Et donc, y a un éclairage là. Bon, à côté de ça, l'autre aspect intéressant, c'est que dans cette encyclopédie, on ne trouve aucune entrée. Et là encore, par contraste avec notre époque, c'est frappant, aucune entrée dédiée à un individu. Aussi libertaire, aussi individualiste que soit cette pensée, elle n'est absolument pas dans le culte de la personnalité. C'est de A à C, on aurait pu s'attendre à trouver une entrée Bakounine au moins. Il n'y a pas d'entrée Bakounine. Et il n'y aura probablement pas d'entrée Kropotkine dans les volumes qui seront réédités par la suite. Ou Stirner, ou que sais-je. Donc il y a vraiment là deux faits que je trouve assez incroyables à noter avec cette republication. C'est magnifiquement écrit, comme vous avez pu voir, sur l'anonymat. Tout est à peu près du même tonneau. Il y a une trentaine d'auteurs qui avaient participé à l'époque à ce Wikipédia avant l'heure de l'anarchisme. Hey, let's go! On va! La mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato un impasto artigiano. Thank you. vêtue de noir, paraît-il, et se déplace par groupe de 3 ou de 4. Depuis hier, dans le village de Saint-Imi, en Suisse, les habitants ont dû faire un peu de place à un congrès international un peu particulier. Les rencontres internationales de l'anarchisme ont choisi cette petite commune du Jura bernois, car c'est là qu'il y a 90 ans, tout juste, est né le mouvement anarchiste, en tout cas en tant que mouvement politiquement organisé. Il s'agissait alors de mettre un terme entre le conflit qui opposait Marx aux représentants du courant libertaire incarné notamment par Michel Bakounine. Un peu moins d'un siècle plus tard, que reste-t-il de cette internationale anti-autoritaire? Que dirait Proudhon des groupuscules violents qui s'en réclament en Italie ou en Grèce? Y a-t-il un anarchisme de gauche et un anarchisme de droite? Et peut-on considérer les Anonymous, par exemple, comme les nouveaux représentants du mouvement libertaire? Pour en parler ce matin avec nous, nous accueillons Irène Pereira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes chargée de cours en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine, cofondatrice de l'IRESMO, l'Institut de recherche sur le syndicalisme et les mouvements sociaux, et vous êtes vous-même membre de l'Alternative Libertaire. Une question très rapidement, vous n'êtes pas aujourd'hui aux rencontres internationales de l'anarchisme? Enfin, de l'anarchisme. Bah déjà parce que vous m'aviez invité à l'émission. C'est très gentil. Donc... juste pour préciser, je ne suis plus chargée de cours à Paris-Dauphine, mais bon, c'est précision pas grave. Et juste une autre précision, c'est 140 ans. Oui, c'est le en fait, en le disant, je me suis dit, c'était pas possible, c'était avant 1900. Voilà, c'est 1872. Merci pour la précision. Olivier Frébourg, bonjour. Bonjour, Julie Gacon. Vous êtes journaliste, écrivain et éditeur. Vous venez de rééditer l'encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure. Est-ce qu'en quelques mots, on peut rappeler qui était Sébastien Faure? Alors, Sébastien Faure a été l'un des grands orateurs de l'anarchie au 19e siècle. C'est un homme qui est né à la moitié du 19e siècle à Saint-Étienne, d'une bourgeoisie de négociants, et qui a été très vite en rupture de banc de la bourgeoisie et même de la religion, puisqu'on parlera tout à l'heure de l'anarchisme chrétien, mais il a été jésuite et a quitté le noviciat. Et ensuite, après avoir été un guédiste, un homme de la gauche populaire, il s'est engagé dans l'anarchie et de façon totalisante, puisque toute sa vie sera consacrée à porter la parole de l'anarchie, et notamment par des meetings, des réunions, de véritables tours de France qu'il accomplissait et qui réunissait un monde absolument insensé quand on voit les rapports de police de 3000 personnes. Voilà, c'est un homme important dans la pensée anarchiste française et qui notamment a été un des compagnons de route de Louise Michel. Vous parliez de l'anarchisme chrétien. François Angelier est resté avec nous autour de cette table pour parler tout à l'heure de l'anarchisme chrétien. Merci François Angelier d'être merci, resté. Merci à vous. Alors, première question, tout simplement, Irène Pereira, de qui parle-t-on aujourd'hui quand on parle des anarchistes? Est-ce que c'est la même chose que de parler des libertaires, des autonomes? On entend beaucoup de termes pour les désigner, mais qui sont-ils aujourd'hui? La notion d'anarchisme et la notion de libertaire, initialement, recouvrent la même réalité, hein, puisque la notion de libertaire apparaît avec Joseph Déjacques, pour désigner aussi l'anarchisme, tandis que la notion d'anarchie est utilisée par Pierre-Joseph Proudhon. C'est une notion qui existe déjà auparavant, mais lui va la reprendre dans un sens positif. Alors aujourd'hui, anarchisme et libertaire ne désignent pas exactement les mêmes réalités. L'anarchisme désigne un courant politique, disons, pour faire vite, qui quand même remet en cause l'existence de l'État. La notion de libertaire a tendance à prendre une acception plus large, pour désigner des personnes qui ont mettent en avant la liberté individuelle et puis bien souvent des pratiques de démocratie directe. Pour ce qui concerne la notion d'autonomie, elle peut recouvrir effectivement les mêmes réalités, enfin une partie du courant anarchiste, mais aussi des courants marxistes, ultra-gauche. Donc c'est un mouvement qui entretient des liens avec l'anarchisme, mais pas exclusivement. Donc à quoi ça peut ressembler les rencontres internationales de l'anarchisme? Bien, les rencontres internationales de l'anarchisme, d'ailleurs ici j'ai le programme, c'est plutôt un ensemble de débats politiques, hein, sur un certain nombre de sujets, par exemple le féminisme, le lien entre donc anarchisme et féminisme, anarchiste et de l'immigration ou anarchisme et écologie, et puis ensuite un ensemble aussi de pratiques culturelles autour du cinéma, de concerts, qu'est-ce que je vois encore, voilà. Donc ça ne veut plus dire forcément uniquement ceux qui ne supportent pas l'autorité ni le pouvoir, les anarchistes, c'est plus seulement ça. De manière générale, ça c'est une vision, si vous voulez, un peu large et un peu liée au sens commun de l'anarchisme, mais au sens politique, ça recouvre quand même un ensemble d'une part théorique, hein, dont on peut dire l'initiateur est Pierre-Joseph Proudhon, et puis un ensemble de courants et de pratiques politiques quand même un peu plus précises qu'une simple réaction viscérale au pouvoir. Olivier Frébourg, dans l'encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure que vous rééditez, l'article qui prend le plus de place, c'est évidemment celui, enfin c'est à la lettre A, comme anarchie. Voilà, quelle est la définition que Sébastien Faure en donne de l'anarchie? Sébastien Faure, pour lui, c'est évidemment la liberté avant tout et la lutte de toutes les autorités, c'est-à-dire l'autorité politique, l'autorité religieuse, très très importante pour Sébastien Faure, et l'autorité financière capitale, c'est-à-dire c'est lutter contre ces différentes formes d'accaparement. Donc ça, ce sont des thématiques récurrentes de la pensée anarchiste et qui apparaissent évidemment dans cette encyclopédie qui a l'intérêt de présenter une synthèse justement des différents courants anarchistes. Irène Pereira disait tout à l'heure en effet que ça regroupe plusieurs sensibilités, plusieurs compréhensions. Ce qui me semble intéressant par rapport à aujourd'hui et par rapport aux rencontres de Saint-Imier, c'est qu'en fin de compte, l'anarchie a un regard sur des questions très contemporaines qui nous concernent de façon extrêmement directe. On parlait évidemment de la condition féminine, c'est un des combats importants, hein, de l'anarchie, l'égalité homme-femme. Sébastien Faure en parle beaucoup, hein, l'importance de l'amour, de l'élection, de l'amour libre, de l'amitié. Toute aujourd'hui question d'actualité nous renvoie à une vision, une interprétation anarchiste. Regardez le procès simplement qui se passe à Moscou des Pussy Riots. Les trois jeunes filles qui chantaient contre Poutine. Et quel symbole qui monte sur l'autel de la cathédrale et qui vont être jugés et éventuellement poursuivis et condamnés à 6-7 ans d'emprisonnement. Bon, la Fédération anarchiste prend position là-dessus et ça me semble être justement une question où il y a une sensibilité anarchiste. Donc l'esthétisme rejoint là clairement le politique. Alors ceci dit, on n'est plus du tout dans le même contexte aujourd'hui qu'à l'époque de cette encyclopédie anarchiste qui date des années 30. À l'époque, c'est une réponse au bulldozer marxiste, comme vous dites. On sait le mépris que se portaient Proudhon et Marx, hein, la philosophie de la misère versus la misère de la philosophie. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Mais ce qui m'a convaincu de rééditer cette encyclopédie anarchiste, c'était à la fois parce que je trouvais dans le corpus, il était extrêmement difficile quand on s'intéressait à l'anarchie, et tout le monde s'intéresse à un moment ou à un autre à l'anarchie, qu'elle soit ou à l'anarchie politique ou à l'anarchie intellectuelle. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas être à un moment un homme ou une femme de réflexion, de livre, intéressé par l'art, sans se poser à un moment la question intellectuelle de l'anarchie. Elle est distincte, certes, de la question politique. Et en même temps, je trouvais qu'il était extrêmement difficile d'aborder cette bibliographie anarchiste, et l'encyclopédie anarchiste permettait, si vous voulez, une initiation et une compréhension, une représentation du monde anarchiste, et de comprendre tous ses fondamentaux. Et en même temps, quand j'ai lu l'article sur les banques de l'encyclopédie anarchiste, je me suis dit, mais c'est ce que nous vivons actuellement dans les crises financières et dans la dévoration des banques dans notre montre d'aujourd'hui. Donc, même s'il y a évidemment des contingences historiques dans le combat anarchiste en fonction des époques, il y a aussi des choses absolument permanentes et récurrentes. Et ensuite, il y a évidemment un pragmatisme d'époque qui nous oblige à avoir une lecture un peu plus adaptée. Voilà, juste pour lire un extrait de l'article sur les banques, puisque vous en parlez dans cette encyclopédie anarchiste, si les banques étaient restées dans leur rôle essentiel, c'est-à-dire des instruments d'échange, de transactions, elles eussent été un système qui a sa place marquée dans le cadre de la société, pour laquelle elles étaient devenues une nécessité, un organisme nécessaire. Elles ne se sont pas enfermées, et s'il s'en faut, dans ce rôle, la puissance acquise rapidement par elles les poussa sur le chemin des affaires de spéculation. Voilà l'article Les banques qui date des années 30 de Sébastien Faure. Alors, la définition de l'anarchie, Sébastien Faure, entre autres choses, hein, il en dit beaucoup de choses de l'anarchie, mais il en parle aussi comme d'un idéal social et comme d'une réalisation effective. L'anarchie répond à un modus vivendi dans lequel l'individu n'aura d'obligation que celle que lui imposera sa propre conscience. Irène Pereira, est-ce qu'aujourd'hui il y a des anarchistes individualistes et les autres, un anarchisme de droite et un anarchisme de gauche? Bien, En ce qui concerne, vous le soulignez très justement, il y a une pluralité des courants anarchistes. Néanmoins, la notion d'anarchisme de droite est, à mon avis, abusive au sens de courant politique. Il n'y a pas de courant politique de l'anarchisme de droite. C'est une construction littéraire. Il y a quelques ouvrages qui portent ce titre, par exemple un ouvrage d'un historien qui s'appelle Pascal Horry, mais qui vise à désigner des personnes comme Céline, Audiard, je crois, sont classées comme anarchistes de droite, mais on ne peut pas considérer en des soi... Des proches voilà, Jean-Yann. C'est plus une attitude que véritablement un courant politique, l'anarchisme de droite. Par contre, si on reprend votre question sur l'individualisme, il est certain qu'il y a eu dans l'histoire de l'anarchisme plusieurs courants, dont l'un s'est réclamé, s'est appelé l'anarchisme individualiste, et l'autre plutôt, ce qu'on qualifie plutôt d'anarchisme social, est plutôt lié au mouvement ouvrier. Et d'ailleurs, le congrès de Saint-Imier s'inscrit dans l'histoire du mouvement ouvrier, et l'anarchisme français est plutôt dominé par, en lien avec le mouvement ouvrier. Et le mouvement syndical aussi, dans la CGT notamment, à ses débuts, a été très, très imprégné de ce mouvement. Effectivement, la grande activité des anarchistes, en particulier au début du siècle, c'est l'investissement dans les organisations, dans le syndicalisme. Et encore aujourd'hui, la plupart des anarchistes organisés sont des militants syndicaux. Et quant à l'anarchisme individualiste, il a surtout une grande importance dans les pays anglo-saxons et en particulier aux États-Unis. Alors vous nous expliquez tout à l'heure, Olivier Frébourg, que Sébastien Faure a d'abord pensé à entrer dans les ordres avant de se lancer en politique, puis de se convertir à l'anarchisme. Alors c'est pas si absurde, notamment on sait, il y a une vieille tradition chez les révolutionnaires que d'être passé par les jésuites. On pense à Castro et Robespierre, François Angelier. Il y a un anarchisme chrétien qui est assez fort, et notamment dans l'encyclopédie de Sébastien Faure, il y a un article sur l'anarchisme chrétien, et c'est un anarchisme que vous connaissez bien. Bah oui, je le connais bien, non pas parce que je suis anarchiste, mais je suis chrétien, mais parce que effectivement j'ai travaillé sur une famille d'esprits qui participe de ce courant de l'anarchisme chrétien. Je voudrais signaler un livre qui est sorti récemment aux éditions de l'œuvre de Jacques de Guibon et Falk von Gaver, qui s'appelle justement l'anarchisme chrétien, et en couverture il y a l'alpha et l'oméga de l'évangile, sauf que l'alpha, c'est l'alpha de l'anarchie. Et que trouve-t-on dans ce livre? Eh bien, la peinture de tout un courant est une tentative de définition conceptuelle, et même les hussards noirs de l'anarchisme, avec pour Proudhon, Kropotkin. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le chapitre 3, les cavaliers de l'Apocalypse, avec des gens comme Barbé d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam, Ernest Hello, Paul Claudel, Léon Blois, Peggy Bernanos, Simone Veil et Gustave Thibon. Alors, c'est quand même extraordinaire de voir que les figures qui, dans la deuxième partie du 19e siècle, ont apporté la contestation sur le mode littéraire, puis ces gens qui étaient des ennemis de tout pouvoir. Léon Blois n'avait que lui-même, Villiers de l'Isle-Adam était d'une pauvreté absolue, Hello était considéré comme un simple d'esprit, Bernanos, on sait très bien quelle a été sa vie, et tous ces gens qui ont apporté vraiment la contestation la plus radicale sur le plan de l'écriture et de la pensée à ce qu'on pourrait appeler l'ordre bourgeois qui se met en place à cette époque, étaient des nostalgiques de la monarchie. Ils n'avaient qu'un rêve, c'était l'ancienne France, ce qu'on appelait l'ancienne France, celle des Chouans, celle de Joseph de Maistre et celle de nos rois. Et pourtant, ils ont eu quand même, comme on dit toujours, c'est en se mettant à contre-courant qu'on sent la puissance du fleuve, c'est en se mettant à contre-courant de cette modernité post-révolutionnaire qu'ils ont réussi à le mieux la diagnostiquer en ses périls. Ça commence avec des nouvelles extraordinaires de Villiers de l'Isle-Adam qui parlent de ce que pourrait être la civilisation des masses médias et de la publicité. Il y a une vision des problèmes, des rapports entre la foi et la sexualité, des rapports sociaux fabuleux chez Barbé d'Aurevilly. Et puis, pour ne rien dire de Bernanos. De Bernanos avec sa vision de la société future. Bernanos disant que la guerre froide, c'est très bien, mais la vraie rupture, c'est Nord-Sud et non pas Est-Ouest. Et on voit très bien ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que ces anarchistes chrétiens qui étaient nostalgiques de la royauté ont été quand même les critiques les plus aiguës de leur société. Et puis, il faut noter qu'effectivement, dans l'encyclopédie de Sébastien Faure, c'est Tolstoï qui est au cœur de l'article sur l'anarchisme chrétien. Donc, il y a une complexité là qui est intéressante. Alors, justement, je crois que l'anarchie, c'est à la fois des courants politiques, des incarnations d'engagements extrêmement précis et radicaux, mais c'est aussi une philosophie, ne l'oublions pas, et une forme de pensée. Et donc, la pensée est très construite. Dans cette encyclopédie, on pourrait s'attendre à quelque chose de... Voilà, c'est très, très construit. comme encyclopédie. Bien sûr, parce que justement, c'est l'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'à la fois il y a une présentation presque objective, encyclopédique d'un thème et d'une définition, et ensuite après la vision anarchique. Mais ce que disait François Joly est évidemment très très juste, c'est-à-dire que toute la littérature, par définition, est aussi irrigué par l'anarchie. Dès lors que vous êtes la littérature, l'art est une forme de contestation de toute forme d'autorité sociétale, obligatoirement, et une contestation des prédécesseurs. Évidemment, on retrouve, parce que par rapport à ce que vous appelez, par rapport à l'anarchisme de droite, qui en effet n'existe pas a priori dans son incarnation politique, mais qui existe culturellement, un mépris, par exemple, une détestation de l'argent, des corps constitués, des formes de pouvoir. Donc, et étonnamment, même parfois dans l'encyclopédie de Sfor, on sent un goût, quand même, une petite prédilection pour une forme d'aristocratie de la pensée culturelle, en tout cas. Alors aujourd'hui, on a tendance à voir tous les mouvements violents, politiques et violents, comme des mouvements anarchistes, ou inversement tous les mouvements anarchistes comme des mouvements violents. Par exemple, on avait parlé en 2010 de cette conspiration des cellules de feu en Grèce, qui avait, par des colis piégés, envoyé à des ambassades, fait des tentatives d'attentats. Une conspiration des cellules de feu qui a cessé ses activités. Est-ce qu'elle est reconnue? Est-ce que ce genre de formation est reconnue par le mouvement anarchiste comme sœur de combat, Irène Pereira? Disons que dans le mouvement anarchiste, il y a une tendance à pas moraliser et à ne pas juger en particulier des courants qu'on ne connaît pas, je pense, ou des organisations. Si une organisation revendique des attentats... Revendiquant de l'anarchisme. Voilà. Si vous voulez, si c'est une organisation clandestine, il n'est pas certain que les militants lambda connaissent les personnes qui revendiquent. Donc, à partir de ce moment-là, il est difficile de porter un jugement. Il faut être assez prudent sur ce type de revendication, d'autant plus qu'on a déjà vu par le passé, en réalité, l'instrumentalisation par parfois l'extrême droite en Italie de revendications anarchistes. Donc, à partir de là, il y a une pluralité effectivement de stratégie dans l'anarchisme, mais de manière générale, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les anarchistes pratiquent soit le syndicalisme, c'est une grande des activités anarchistes, soit, comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit pour le congrès de Saint-Imier, un ensemble d'activités culturelles qui visent à promouvoir effectivement les activités et les idées anarchistes. C'est vrai que ces mouvements violents comme la conspiration des cellules de feu en Grèce n'a rien à voir avec aujourd'hui. Quand on va à Athènes, il y a un quartier anarchiste autour de la place Exarchia qui n'a rien à voir avec ces mouvements violents autour de l'école polytechnique également. Et puis, dans leur communiqué, quand à l'époque des attentats, ils publiaient des communiqués dans la presse qui, idéologiquement, étaient proches de zéro. C'est-à-dire, c'était revendiqué. Il n'y avait aucune revendication politique vraiment dans ces mouvements. Je vous avoue que je ne connais pas assez bien les revendications de ces organisations. C'est de l'anarchisme nihiliste, c'est ça? Le nihilisme est un courant, c'est un courant russe qui était d'ailleurs pas un courant anarchiste, qui était lié à un autre courant qui est le populisme. Souvent, on a tendance à penser que tout pratique d'action politique violente est liée à l'anarchisme. Ouais. Mais pas forcément. Vous avez d'autres courants d'extrême gauche qui ont pratiqué des formes d'action violente, et vous avez un ensemble de militants anarchistes qui sont même, par exemple, des tenants de la non-violence. On parlait de Tolstoï tout à l'heure. Il est à la fois le fondateur de l'anarchisme chrétien et un fondateur de la non-violence et des théories de la non-violence dans l'anarchisme. Olivier Frébourg, vous le dites, il n'y a pas que les mots dans l'anarchie, il y a aussi l'action directe, les attentats, l'assassinat, mais les pacifiques. Alors, toujours été un des grands débats, évidemment, de la pensée anarchiste, c'est de savoir, est-ce que on pose des bombes et est-ce qu'on passe véritablement, justement, à l'attentat? C'est une question qui est très discutée dans la pensée anarchiste. Certains, Fort, par exemple, dit, parfois, on peut comprendre qu'il y a eu des attentats dès lors que l'on était prêt à, et c'est une question aussi que l'on retrouve même chez Camus, dès lors que l'on était prêt à risquer sa peau pour défendre un idéal. Mais il ne faut pas confondre attentats sanglants et anarchie. Et en effet, on retrouve même dans certaines conceptions du bouddhisme ou du taoïsme, je veux dire, on irrigue aussi l'anarchie très très clairement. Donc, penser que l'anarchie est nécessairement un mouvement d'action, violent, serait, je pense, une confusion intellectuelle grave. François Angelier. Une des grandes réussites anarchistes, entre guillemets, qu'on a eu au XXe siècle, c'est Gandhi. Et Gandhi, effectivement, a joué de son extrême faiblesse et de l'extrême ténuité des moyens mis en œuvre pour triompher quand même de l'Empire britannique. Là, tolstoïen, en plus, tolstoïen. On a quand même le plus bel élève de Tolstoï, c'est Gandhi, ça va tout à fait. Bien sûr, et on le retrouve chez même chez des écrivains comme qui ont inspiré Camus, comme Jean Grenier, où à la fois vous avez le taoïsme, le lâcher prise, etc. Et en même temps, voilà, un comportement du moins littéraire que l'on peut qualifier d'anarchisant. Alors dans sa chanson, Léo Ferré dit au sujet des anarchistes, il y en a un sur 100, il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Irène Pereira, le mouvement anarchiste reste en nombre très modeste, il a une puissance imaginaire peut-être qui lui donne une importance qu'il n'aurait pas. Bien, la puissance d'un mouvement, c'est aussi l'activité de ses militants. Et en sociologie politique, on a pu voir que des minorités actives peuvent avoir une influence sur la société très importante. Prenez par exemple le mouvement écologiste. C'est un mouvement minoritaire en nombre de militants, mais dont sa puissance à irriguer la société est importante. De la même manière, le mouvement anarchiste peut avoir cette puissance à irriguer un pan très important de la société, de diverses manières, alors même que son nombre de militants peut être réduit et il a varié de toute façon en fonction des époques et des pays. Quand les peuples arabes, en Égypte et en Tunisie notamment, se sont soulevés, on a l'impression, en parcourant le journal Alternative Libertaire, le journal de l'organisation à laquelle vous appartenez, que les printemps arabes représentaient un espoir de renouveau du mouvement. Est-ce qu'il est délicat de faire un parallèle entre des revendications sociales et un mouvement davantage fondé sur une certaine politique, une certaine idéologie ? Bien. Le problème, si vous voulez, la notion d'anarchisme, elle est très polysémique. Et on le voit ici, vos invités ont François Angelier, Olivier Prébourg, ont souvent utilisé d'une manière très large, pas comme on l'utilise en sociologie politique ou en sciences politiques dans ma discipline, la notion d'anarchisme. Parmi les débats chez les théoriciens de l'anarchisme, il y a le fait de savoir si... l'anarchisme recouvre uniquement des concepts et une théorisation bien précise, qui serait celle issue de Proudhon, ou si tout mouvement, en particulier tout mouvement ouvrier, du moment qu'il est anti-autoritaire, d'une certaine manière, n'est pas une expression de l'anarchisme. Et même de manière plus large, il y a des débats théoriques chez les théoriciens de l'anarchisme pour savoir si à partir du moment où il y a un mouvement insurrectionnaliste ou d'émancipation qui a des bases, on va dire, libertaires, est-ce que d'une certaine manière, il n'est pas anarchiste, quelle que soit l'époque. Mais ça, c'est des débats théoriques. Notamment voilà. En Algérie, par exemple, où les syndicats autonomes n'ont cessé de se développer face à l'Union Générale des Travailleurs Algériens, ça serait une manifestation Bien, ça dépend effectivement de l'acception que vous donnez de cette notion. Si vous donnez à la notion d'anarchisme la définition quasiment de mouvement anti-autoritaire, oui. C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Courrier International. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop comment dire si vous faites une revue de presse anarchiste ou anarchique. On va dire qu'on fait l'un ni l'autre. Je fais une revue de presse sous le signe de l'anarchie, alors que donc les anarchistes du monde entier se sont donné rendez-vous sur ce plateau et à Saint-Imier, dans le Jura suisse. La Tribune de Genève, figurez-vous, leur consacre un reportage de bienvenue depuis hier et jusqu'à dimanche, en attendant 3000 libertaires du monde entier à Saint-Imier. Et c'est peu dire que le choc des cultures sera au rendez-vous. Parce que Saint-Imier, c'est peut-être la ville où est né il y a 140 ans l'international anarchiste autour de Bakounine, mais c'est aussi une paisible petite cité horlogère de 5000 habitants, la Suisse au carré, en somme. Les libertaires ne passent pas inaperçus dans les rues de Saint-Imier, écrit le journaliste de la Tribune. Ils sont pour la plupart vêtus de noir et se déplacent par groupes de 3 ou 4 avec des airs de conspirateurs. Mais, pour tout vous dire, une chose devrait mettre tout le monde d'accord, la cuisine. Les repas proposés par les organisateurs sont économiques, certes, enfin une simple participation libre évidemment est demandée, mais ils sont aussi végétaliens, c'est-à-dire préparés sans aucun aucun ingrédient d'origine animale, ni beurre, ni œufs, par exemple, rien. Du coup, nombre d'anarchistes ont déjà envahi les cafés, les terrasses des cafés et les restaurants de Saint-Imier. Parce que ni Dieu ni maître passe encore, mais ni viande, ni œufs, ni beurre, non. Alors ça, je ne savais pas du tout que les anarchistes étaient végétaliens. C'est pas le seul article, Anthony Bélanger, consacré à ce congrès anarchiste dans la presse suisse. Effectivement, le quotidien Le Temps, pour le coup, a lui décidé d'aller sur les traces de Mikhaïl Bakounine en Suisse, où il a longtemps vécu et où il est mort d'ailleurs. Première étape, donc Saint-Imier, où Bakounine a prononcé 3 conférences mémorables sous les vivats des anarchistes jurassiens. Et oui, ça se passait au restaurant La Clé. Aujourd'hui, le restaurant historique, qui était un lieu de pèlerinage pour certains, eh bien, a totalement disparu. Il a été démoli en 1996 et remplacé par une pépinière d'entreprise. Donc le capitalisme a vaincu à Saint-Imier au moins. Deuxième étape, l'hôtel central où Bakounine a séjourné. Il existe encore l'hôtel central, mais la bâtisse souffre de délabrement. Elle date de 1669 tout de même. Et puis l'argent manque pour une vraie restauration. Le bâtiment se cherche un destin, explique le journaliste du Temps. Une lente restauration devrait le transformer, écoutez bien, en logement et commerce. Et en attendant, eh bien une boîte de nuit fait danser les noctambules au sous-sol. Alors là, pour le coup, Bakounine doit se retourner dans sa tombe. Et enfin, dernière étape, la Baronata, cette grande villa du Tessin, dans laquelle il a vécu presque jusqu'à sa mort. Le petit palais ressemble encore au croquis de l'époque, note Le Temps, mais il est absolument inaccessible. Un particulier vient en effet de le racheter, de le restaurer. Finalement, le séjour tourmenté de Bakounine sur la pente escarpée de la Verbadella a sombré dans l'oubli. Il ne reste guère que les éditions suisses italiennes La Baronata, fondées à Lugano en 1978, pour perpétuer le souvenir de Bakounine et des anarchistes jurassiens, je vous le rappelle. Alors enfin, direction les États-Unis où l'anarchisme ne fait peut-être pas la une de l'actualité, mais en tout cas prend pas mal de place dans les journaux en ce moment. Voilà, mais parce que la une, enfin bon, disons qu'un groupe d'anarchistes a fait parler de lui lundi dernier à Atlanta, en Géorgie. Ce groupe a en effet revendiqué la mise hors service de 45 parcs-mètres installés sur Edgemont Avenue, une grande avenue d'Atlanta. Alors pourquoi les parcs-mètres ? Par haine profonde du système de parking payant de la ville d'Atlanta, ça c'est le communiqué du groupe anarchiste en question au quotidien East Atlanta Patch. Mais c'est aussi par solidarité avec un autre groupe d'anarchistes de Seattle, cette fois, qui depuis quelques semaines a des ennuis avec la justice, des ennuis que les anarchistes correspondants d'Atlanta qualifient de répression. Ce qui, menace-t-il, vaudra à l'ordre social dominant, ça je cite, des mesures de rétorsion. Et pour prouver son sérieux, le groupe revendique des attaques de tribunaux dans au moins 3 villes américaines. Le problème, c'est qu'en voulant vérifier cette information, eh bien, le quotidien n'a trouvé personne pour lui confirmer les attaques de tribunaux en question. Sauf peut-être le tagage de la porte d'entrée du tribunal de Kirkland dans l'état de Washington. Pas de quoi déranger un parcmètre. Non. Par contre, la vraie actualité anarchiste aux États-Unis n'est pas militante. Non. Elle est théâtrale. Le 2 décembre prochain, la prochaine pièce de David Mamet, un grand auteur, The Anarchist, sera présentée sur Broadway. Ce sera une des sensations de la rentrée théâtrale et pour le moment, rien ne transpire sur l'intrigue. C'est en tout cas ce que confirme Variety, vous savez, qui est la Bible américaine du spectacle. On sait seulement qu'elle mettra en scène 2 femmes dans une prison et qu'elle devrait parler de passion, de rédemption et évidemment de révolution. Une vraie pièce américaine en somme qui, si elle obtient le succès escompté, sera immanquablement adaptée au cinéma et à Hollywood. Merci beaucoup Anthony Bélanger. Nous sommes toujours avec Olivier Frébourg, éditeur, Irène Pereira, sociologue, et François Angelier, producteur à France Culture. Irène Pereira, l'anarchisme, c'est une mode à entendre la revue de presse d'Anthony Bélanger. On entend ces pièces de théâtre qui vont se monter, qui aujourd'hui, peut-être à part Noam Chomsky, est vraiment anarchiste, et publiquement anarchiste. Est-ce que l'anarchisme, c'est une mode ? Il y a toujours eu un phénomène littéraire, en particulier à la fin du 19e siècle. Dans les salons, justement, l'anarchisme a pu être à la mode, et en particulier l'anarchisme individualiste, un anarchisme littéraire. Aujourd'hui, qui se revendique de l'anarchisme ? Il y a quelques penseurs, effectivement, anarchistes, qui sont plus ou moins connus du grand public. Et il est vrai que Noam Chomsky est le plus connu. Voilà. Olivier, enfin, c'est un vrai produit d'appel, là, visiblement. Ah, sur Broadway, vous vous rendez compte ? Peut-être un film à Hollywood ? L'adaptation de la mise en scène de l'anarchisme dans la littérature ou dans le cinéma, elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On pense par exemple à Mort accidentelle d'un anarchiste de Dario Fo, par exemple. Il y a un certain nombre d'œuvres littéraires consacrées à l'anarchisme. François Angelier. Sacco et Vanzetti, oui, quand même, étaient les deux porte-parole, les deux icônes les plus flamboyants de l'anarchisme dans les années 70, ne serait-ce que par le film, la chanson de John Baez. Donc là, il y a toujours un vivier de figures qu'on peut... de manière remettre dans le circuit qui soit lié à l'anarchisme, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est ça qui est quand même assez marquant, c'est que c'est un concept ou c'est une pratique, c'est une notion tout à fait universelle, mais les incarnations ne sont pas à ce point nombreuses. Alors Noam Chomsky justement qui dit qu'il n'existe pas de principe anarchiste fixe, l'anarchisme vise surtout, dit-il, à surmonter les structures de domination. Olivier Frébourg, est-ce qu'en ce sens, les Anonymous peuvent être considérés comme des anarchistes, d'après vous ? Alors je répondrai en deux temps à votre question. Tout d'abord, je pense que par rapport à ce que nous avons dit sur la mode anarchiste, il y a ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est en fin de compte le mode opératoire de l'anarchisme, c'est-à-dire comme mode intellectuel, c'est-à-dire que c'est une lecture du monde tout à fait aujourd'hui opérante et qui n'est pas caduque. Que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur le respect de nos écosystèmes, que ce soit sur la croissance de la population et sur le malthusianisme, les anarchistes ont toujours eu des positions de pointe et révolutionnaires à cette époque, dont on pouvait rire, et qui sont aujourd'hui, je veux dire, la preuve de leur prescience et de leur exactitude. L'anarchisme, aujourd'hui, connaît un regain d'intérêt parce que le système communiste s'est effondré aussi et qu'il faut nécessairement une alternative valable, recevable au système capitaliste. Aujourd'hui, il est absolument dominant. Quoi qu'on en dise, il devient de plus en plus totalitaire. Et la pensée anarchiste me semble être une réponse et l'antidote intellectuel à ce que nous vivons actuellement. Pour répondre sur les Anonymous, Sébastien Faure, par exemple, conteste toute forme d'action anarchiste anonyme, c'est-à-dire que nous devons revendiquer, porter sur notre visage, en quelque sorte, ce que nous sommes et les actes que nous sommes. En même temps, je pense qu'il y a évidemment, dans l'action des Anonymous, c'est-à-dire d'aller attaquer, de faire des attaques ciblées sur certains organismes, sur certaines banques, sur certains instruments du pouvoir, quelque chose qui relève quand même de l'action anarchisante. Alors après, on peut se dire, oui, mais on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas qui se cache derrière, qui est ce groupe, quel est leur représentant. Bien sûr, ça c'est évident. Mais il me semble d'une façon plus large que le hacking est une forme en tout cas d'anarchie technologique aujourd'hui. On l'a vu aussi avec Wikileaks et Julian Assange. Irène Pereira, en tant que sociologue, peut-être que vous préférez parler d'altermondialisme numérique. Est-ce que le terme d'anarchisme peut convenir pour désigner ces Anonymous ? Ben, ça dépend effectivement sur les pratiques, ce qu'on appelle par exemple l'action directe, qui ne désigne pas des formes d'action nécessairement violentes, mais des actions sans représentation représentant politique, agir directement par soi-même pour transformer les choses. On peut dire que c'est un mode de pratique qui a irrigué le mouvement altermondialiste et effectivement les Anonymous peuvent s'inclure dans ce type de pratique, peuvent être inclus dans ce type de pratique. Et pour autant, effectivement, si l'anarchisme est avant tout une pratique, on peut dire qu'il s'agit d'une certaine manière d'un héritage de l'anarchisme. Par contre, c'est vrai que si on les définit du point de vue de leur idéologie et de l'idéologie à laquelle ils se rattachent. Oui, il y a des connexions entre ce qu'on appelle le mouvement libertarien et le mouvement des Anonymous où, effectivement, là, il est moins clair que leur idéologie soit strictement anarchiste si l'anarchisme est relié, effectivement, au mouvement ouvrier, ce qui est quand même historiquement plutôt le cas. L'un d'eux, un hacker interrogé par un sociologue, parle plutôt de foutage de gueule coordonné. C'est plus adapté ? Je ne sais pas ça. Est-ce que le meilleur anarchiste n'est pas celui qui ne se reconnaît pas comme tel, justement, qui n'a aucune ligne de conduite et ni celle de l'anarchisme? Tout le problème, c'est justement cette polysémie du terme anarchiste. Si vous voulez, si effectivement l'anarchisme est pris dans une acception tellement large qu'effectivement n'importe qui peut s'en revendiquer du moment que c'est une attitude de contestation générique, oui. Si par contre on fait référence quand même à un corpus théorique et un mouvement historique avec un certain nombre de pratiques, n'importe qui ne peut pas se revendiquer anarchiste, et l'anarchisme n'est pas n'importe quoi. Alors si l'anarchisme aujourd'hui est beaucoup, on fait des connexions avec des mouvements violents, tout de suite on pense à des mouvements violents, en revanche le libertaire est très à la mode, on pense notamment François Angelier à des chanteurs qu'on considère comme libertaires, alors des chanteurs qui datent un petit peu, on pense à Georges Brassens peut-être. Est-ce que le libertaire est à la mode? Brassens était membre de la Fédération anarchiste. Oui. Donc lui, dans les journaux anarchistes aussi. Et Léo Ferré également. Donc là, il y a quand même des porte-parole officiels revendiqués. Alors d'accord, alors parlons plutôt politique ou journaliste. Olivier Frébourg, Serge Julie par exemple, quand il lance en 80 la nouvelle formule de libération, résolument moderne, c'est aussi une mode du libertaire à cette époque. Bien évidemment, c'est une forme de contestation. On le voit aussi avec les situationnistes, ce qui ne se réclame pas nécessairement d'une anarchie politique stricto sensu, mais qui évidemment est un mouvement de contestation. Donc toute forme de contestation des autorités est évidemment peut relever l'anarchie, et notamment pour Libération, du moins à ses débuts. Ce qui est intéressant justement par rapport aux médias, et ce qui me semble aujourd'hui très intéressant, c'est que le pouvoir aujourd'hui, il est aussi médiatique. Il est médiatique parce qu'il est consumériste. Et l'anarchie a beaucoup de choses à dire là-dessus. Comment nous devenons des véhicules, en fin de compte, de la société du spectaculaire médiatique et consumériste. Et comment l'anarchie, qui propose, notamment Sébastien Faure est très attaché à ce concept, une ligne de conduite, c'est-à-dire comment, en fin de compte, ne pas s'égarer dans une société qui perd éventuellement tous ses repères, et garder une ligne de conduite, un cap, justement, je dirais, éthique, presque, de l'homme par rapport à une société affolée. Daniel Cohn-Bendit, en 68, se revendiquait comme libéral libertaire. On le classe où, Irène Pereira, les hommes comme Daniel Cohn-Bendit? À l'époque, je pense qu'il ne se revendiquait pas comme libéral libertaire, il était à la liaison des étudiants anarchistes de Nanterre, donc il était véritablement communiste libertaire, et il a fait partie, il était un des initiateurs du mouvement du 22 mars. Depuis, effectivement, il a évolué dans son idéologie, dans son parcours militant, et s'est complètement détaché du mouvement anarchiste. François Angelier. Mais il y a la question de la structuration, c'est-à-dire est-ce qu'on le rapport qu'on a avec la structure, vous dites de quelqu'un il est catholique ou il est communiste, ça veut dire qu'il est forcément membre de l'Église catholique ou du Parti communiste. Vous dites quelqu'un qui est anarchiste, il n'est pas forcément membre de la Fédération anarchiste. Donc il y a tout un rapport à la structure et à l'organisme qui se joue, et qui dans le cas des anarchistes dément complètement l'idée d'appartenance, d'affiliation et d'obéissance, on pourrait dire dogmatique ou idéologique. Il y a quand même, c'est l'anarchisme à mon avis a réussi son coup, au sens où on peut dire de quelqu'un qu'il est anarchiste sans immédiatement le référer à une structure organisée. Il y en a qu'on ne dirait pas du tout du premier abord anarchiste, ce sont les anarcho-dandis. Olivier Frébourg, vous avez publié un livre, ce manifeste Chape, pour parler de ce mouvement qui se dit subversif et anticapitaliste, mais qui prône la révolution par le tweed. Alors là, on est vraiment dans des... Alors en effet, là, c'est l'aspect, je dirais, drôlatique, mais en effet burlesque de l'anarchisme. Je suis désolé, on quitte un terrain plus sérieux, mais en effet, c'est un mouvement assez intéressant parce que par l'humour, ces chaps qui sont apparus dans les années 90, en fin de compte, se sont créés pour lutter là aussi contre la mondialisation et la normalisation des comportements en Angleterre. Et donc, ils incarnaient là aussi un retour à l'individualisme et à des valeurs qui étaient celles de la contemplation, de la poésie, du bonheur, choses qui sont importantes dans la pensée anarchiste. Le bonheur, on n'en a pas parlé, mais c'est très très très permanent. Et ce qui est intéressant chez les chaps, c'est que ça concerne toutes les classes moyennes, travailleuses, c'est-à-dire quand les regroupements des Olympiades du chapisme où se réunissent plusieurs milliers de personnes, eh bien, concernent en fin de compte pas du tout des aristocrates décadents, mais au contraire des gens qui sont très impliqués, qui travaillent dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est cette implication dans le monde contemporain. Alors, pire ennemi, non pas la société, mais la faute de goût, François Angelier. Oui, donc parler du bonheur, c'est vrai, ce que disait Rimbaud, adorer Noël sur la Terre, c'est vrai que c'est un concept essentiel, mais on parle du dandisme, quelqu'un comme Brummel, qui a été vanté par, comme on le sait, par Barbé d'Aurevilly, est une bonne incarnation, notamment sur sa manière de pousser à bout une certaine logique industrielle du luxe, en disant qu'il avait 5 gantiers pour faire les 5 doigts de la main de son gant. Il ouvrait la fenêtre, il se montrait à ses créanciers, il disait « Messieurs, vous m'avez vu, vous êtes payés ». Irène Pereira, vous êtes consternée ou... Non, mais disons que c'est vrai qu'en tant que politologue, il faut quand même préciser que l'anarchisme, quelles que soient toutes ces acceptions ou tous les courants qu'on peut lui donner, au point de vue politique, c'est quand même un courant qui est lié au mouvement socialiste, que ce soit même les anarchistes individualistes qui sont revendiqués par les par l'anarcho-capitalisme, qui est en réalité un mouvement libéral, puisque l'anarchisme individualiste, ses représentants étaient partisans d'une économie socialiste. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, à mon avis, et donc plutôt des anticapitalistes. Alors, certains grands textes de la pensée anarchiste sont régulièrement réédités, notamment Bakoutine, de Kropotkine, mais aussi, il y a de la littérature nouvelle. D'ailleurs, l'édition anarchiste se porte plutôt bien. Bonjour Christophe Payet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc Christophe, de l'équipe des Matins de France Culture. Alors, il y a eu, Christophe, le succès de L'Insurrection qui vient, ce livre versé au dossier d'instruction dans l'affaire Tarnac. Mais les titres de la mouvance anarchiste se vendent très bien en général. Oui, c'est un peu difficile de quantifier la diffusion des idées anarchistes. Par contre, on peut tout à fait observer la diffusion des livres libertaires. Eh bien, figurez-vous effectivement que ça marche plutôt bien. Et plus globalement, c'est toute l'édition contestataire de gauche qui a connu une belle période, en gros, entre le milieu des années 90 avec la création de Raison d'agir, la maison d'édition de Pierre Bourdieu, et le mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy. Alors bien sûr, comme tout le secteur du livre, ces petites maisons d'édition ont été touchées de plein fouet par la crise. Mais chaque année, plusieurs structures naissent et il y a même des best-sellers. Vous parliez, Julie, de L'Insurrection qui vient, du Comité Invisible, qui pour le coup peut remercier Michel Alliomarie pour le petit coup de projecteur. Nicolas Norito est militant du syndicat anarchiste CNT, mais aussi fondateur de la maison d'édition Libertalia, dont la marque de fabrique, ce sont des titres un petit peu provocateurs. On peut citer « Tue ton patron »,« Rengainé, on arrive » ou « Le manuel du guérillero urbain ». Et Nicolas Norito nous explique comment, à son échelle, il contribue à diffuser ses idées. On fonctionne à trois. Un graphiste qui vit et travaille à Toulouse, mais qui ne vit pas de la maison d'édition. Un enseignant en français, c'est moi, qui assume toute une partie du choix éditorial. Et puis Charlotte, qui est correctrice, secrétaire de rédaction, qui fait tout un travail de relecture, réécriture des manuscrits. C'est une maison qui peut financer des traductions, qui paye les imprimeurs évidemment, les auteurs, les illustrateurs, et qui arrive à dégager quelques notes de frais. Donc c'est une toute petite économie, mais Libertalia n'est absolument pas en danger. On sait simplement que si on décidait d'augmenter la cadence et d'en vivre, ce serait très compliqué. Donc on préfère bloquer à 8 à 10 parutions par an. Un livre qu'ils ont en bien va se vendre à 3, 4, 5 000 exemplaires dans un premier temps. On atteindra peut-être difficilement les 6 ou 7 000. C'est déjà énorme, 8 à 10 publications par an. En librairie, on aura une visibilité 3 fois supérieure à partir de l'automne prochain. On était jusqu'ici diffusé par court-circuit, on change de diffuseur, on passe chez un diffuseur un peu plus important pour gagner en visibilité là encore, qui s'appelle Harmonia Mundi. Nous, on assume également toute une partie de la diffusion-distribution dans les réseaux militants. Est-ce que vous placez des livres de Libertalia dans ce que l'on pourrait appeler les grandes surfaces commerciales et culturelles ? Alors oui, le livre « Tue ton patron 2 », écrit par Jean-Pierre Levaret, donc, qui vit à Rouen, a été placé au Centre Leclerc de Rouen. Et on est ravis. Et idéologiquement, en tant qu'anarchiste, ça vous dérange pas d'être vendu à côté du beefsteak ? Non, ça me dérange absolument pas. Au contraire, ça s'inscrit dans une tradition qui est celle des colporteurs anarchistes. Il n'y a pas de vision élitaire. Mon rêve, au contraire, serait qu'on puisse trouver « Tue ton patron », un roman un peu saignant, donc à côté des beefsteaks, dans les étalages de boucherie des supermarchés. Pour finir, l'avenir de l'édition anarchiste, vous la voyez comment ? L'avenir de l'édition anarchiste dépend de la capacité des éditeurs à produire des textes nouveaux, à sortir un peu des sentiers battus. Parce que le problème de l'édition anarchiste, c'est que souvent elle se contente de rééditer Bakounine, Kropotkine, Sébastien Faure. Ça, c'est important, mais ça ne suffit pas. Il faut que l'édition anarchiste ou libertaire prenne des risques, qu'elle aille vers des pensées un peu plus éloigné de sa sphère d'origine. Nicolas Norito, interrogé par Christophe Payet, voilà pour l'avenir de l'édition anarchiste, mais quel avenir pour l'anarchisme, Irène Pereira ? Je pense que l'avenir de l'anarchisme, déjà, il peut se trouver dans le renouvellement intellectuel que peut apporter l'anarchisme si on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour les travaux sur l'œuvre en particulier de Pierre-Joseph Proudhon. Il se trouve aussi, je pense, dans les types de pratiques qu'ont initié les anarchistes, dont on voit qu'ils irriguent les mouvements sociaux, et peut-être aussi dans le type d'alternative, par exemple le regain d'intérêt pour l'autogestion qu'on constate. Merci beaucoup Irène Pereira. L'anarchisme dans les textes, c'est votre dernier livre publié chez Textuel. Vous avez aussi écrit Les grammaires de la contestation, publié à La Découverte, c'était en 2010. Merci Olivier Frébourg. L'encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure est disponible aux éditions des Équateurs. À quand les autres tomes ? Eh bien, le prochain devrait paraître en octobre et ensuite les quatre autres au courant 2013. Quelle est la révolution ?